toi t'as rien sauf un gilet. Les cartes volent, les murs s'écroulent, mais je fais all-in même si ça brûle. C'est le tournoi des fous, ambiance casino du chaos. Ride des skills, mise des caisses pendant que le ciel est en morceaux. T'as des balles dans les bottes, t'inquiète, ça fait style. On joue, on crame, on perd tout, mais toujours avec le smile. T'as pas de jetons, parie ton frigo. Une tourelle dans le pot, ça fout l'ego. Des zombies dans le salon, on bluffe la mort. Razer, c'est Vegas, mais version hardcore. Décroche.